Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer à étudier le chapitre 13 et à voir ensemble les signes avant-coureurs de la fin du monde. Notre bon Père du ciel, nous sommes à toi, nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple. Et tu es un Dieu vrai, tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu qui dit la vérité telle qu'elle est. Et tu n'as pas caché à tes disciples de tous les temps qu'est-ce qui arriverait dans ce monde en attendant que tu reviennes. Cherchez ton peuple. Seigneur, donne-nous d'abord un esprit de soumission et d'acceptation, de même de réjouissance. Parce que tu le fais à ta manière pour ta gloire et ta louange. Seigneur notre Dieu, aide-nous à bien comprendre aussi l'enseignement que nous allons voir ce matin. Car c'est vital pour chacun de ceux qui disent croire en toi. Au nom de Jésus. La dernière semaine s'achève. Nous sommes la veille, le mercredi après-midi, mercredi soir. Le lendemain, c'est le jeudi, c'est la Pâque. Donc, ça va être, puis la mort, vendredi. Donc, Jésus a vécu les premières journées de la semaine dans le temple, avec tout ce que ça concerne, on a vu ensemble dans les autres semaines. On dirait que le peuple s'est exprimé ouvertement contre lui par les chefs religieux. Et Jésus s'est prononcé ouvertement contre eux en chassant les vendeurs du temple, en déclarant que leur attitude dans le temple de Dieu était des attitudes de voleurs. Donc, ça s'est comme confronté pour une dernière fois. Ensuite, on a eu l'histoire de la pauvre veuve. Et à la sortie du temple, la grande question des disciples, ou la remarque d'un des disciples, je veux dire, qui a dit, regarde ces belles bâtisses, ces belles constructions. Et Jésus fait une prophétie qui bouleverse ses disciples. Et qui ont bouleversé le monde, je dirais, depuis des millénaires. Tout ce que vous voyez ici va être démoli. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout va être démoli. Et moi, j'ai expliqué, j'ai dit, je crois que ce qui parle, ce n'est pas juste de Jérusalem, mais du monde entier. Et si on regarde l'Apocalypse, et ça va être la destruction de tout le monde dans lequel nous vivons. Et Dieu va passer le monde par le feu, comme il dit, dans 1 Pierre. Et il va instaurer de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Donc, tout ce qui est ici est appelé à disparaître. Mais avant qu'il revienne, comme il va nous le dire dans le bas du texte, avant qu'il revienne sur un nuée, avant qu'il rassemble tous ses élus, que va-t-il se passer? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre, nous, les disciples? La question, c'était quand et à quel signe est-ce qu'on va savoir que ces choses-là vont s'accomplir? Comment je vais savoir que ce que tu viens de dire va arriver? Et qu'est-ce qu'il venait de dire? La destruction de toutes choses dans ce monde. Si on le prend juste pour Jérusalem, la destruction de Jérusalem. Mais la vérité reste la même. Ceci, ce n'est pas mon royaume. Ceci n'est pas utile à mon royaume. Ceci n'est pas ce que j'ai voulu bâtir. Et ce n'est pas ce que je vais bâtir. Et ce n'est pas là que je vais régner. Qu'est-ce qui va arriver avant? On va voir le premier signe. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va en avoir à chaque fois, mais on va en avoir un ce matin. Puis on va lire ensemble le verset 5 et le verset 6. Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. » La séduction, non pas physique ici, non pas sexuelle, mais la séduction spirituelle, religieuse. J'ai fait une recherche avec mon logiciel biblique, et c'est un sujet qui revient continuellement. Dans les évangiles, surtout vers la fin, et dans les épîtres, ça arrive aussi. Et on voit des gens qui sont séduits dans les épîtres. Paul, il dit, à plusieurs reprises, il va mentionner des chrétiens qui ont été séduits, qui sont partis dans le monde. Des gens qui se disaient chrétiens ont été séduits puis qui ont parti. Ailleurs, l'apôtre Jean va dire, « Faites attention aux idoles, petits enfants. Ne vous laissez pas séduire. » Il dit, « Il y en a qui se sont laissés séduire. Ils nous ont quittés. » Partout dans les épîtres, on voit des gens qui ont quitté parce qu'ils ont été séduits, soit par Satan, soit par le monde, soit par la chair. Ils ont été séduits et sont partis. La séduction. Et la séduction ici est dite aux disciples. C'est aux disciples qui parlent. Faites attention, prenez garde, mettez-vous sur vos gardes, préparez-vous, soyez avertis afin de ne pas être séduits par personne. Je suis allé voir dans la langue originale, le mot qui est là, c'est le mot dans le grec, qui se prononce « appât ». Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Un appât. Un appât, c'est une séduction. Je mets sur mon piège un appât qui va séduire l'animal ou la personne, si je peux pas dire ça comme cela, et qui va l'emmener et qui va la piéger. Et ça paraît bon, ça paraît gentil, il m'a mis un beau morceau de fromage, il m'a mis un beau morceau de viande, il m'a attiré. Et je pensais que c'était pour mon bien, et je me suis fait attraper, je me suis fait tuer, je me suis fait détruire, je me suis fait blesser. La séduction, c'est trompeur. Ce n'est pas pour le bien. Dans la Bible, le mot séduction, c'est toujours négatif, c'est toujours mal. C'est pour ça que Satan est appelé finalement le grand séducteur. Attention de ne pas vous faire séduire. Mais quoi est-ce qu'on séduit? Je ne vais pas séduire une souris avec un morceau de bois. Je vais mettre quelque chose qui attire la souris. Comment est-ce que la publicité fonctionne? Ils mettent devant nous des choses qu'on désire avoir, des choses qu'on veut, des choses qu'on pense qui vont nous rendre heureux ou heureuses, des choses qu'on convoite, qu'on aimerait avoir, qu'on pense qui vont nous faire du bien. Et on essaie de nous séduire, de nous emmener, là. Je dis pas que la publicité est toujours mauvaise, mais c'est le principe dont je parle. On essaie de m'attirer avec quelque chose que j'aime. Moi, ici, souvent, chez nous, l'été, on a des petites bêtes qu'on appelle des marmottes ou des siffleux qui viennent détruire nos jardins. Donc, j'ai une petite cage pour l'attraper. Et qu'est-ce que je mets dans la cage? C'est ce que je trouve dans mon jardin. Je mets dans la cage, pour le séduire, des carottes et de la laitue. Parce que c'est ça qu'il veut manger. Donc, à chaque été, j'en pogne un ou deux. Parce que je les séduis avec quelque chose qu'ils aiment. Donc, ils vont vous séduire. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les disciples? Qu'est-ce qu'ils veulent, les disciples? Qu'est-ce qu'ils veulent, le monde? Ils veulent un royaume pour eux. Ils veulent un royaume qui va leur rapporter. Les disciples ne vont pas être séduits en leur présentant une statue du diable. Les disciples ne vont pas être séduits avec des enseignements qui sont « Dieu n'existe pas ». Mais ils vont être séduits avec quelque chose qu'ils désirent déjà. Et tout au long de Marc, on a vu ce que le genre de royaume qu'ils veulent, c'est pas ça que Jésus va mettre en place. Donc, quelqu'un va venir. Puis il dit au verset 6, « Plusieurs vont venir en mon nom. » Oh! « Sous mon nom, disant, c'est moi! » Ça, c'est séducteur. Les disciples aiment le Christ, aiment Jésus, aiment les choses de Dieu. Ils vont être séduits par quelqu'un qui va se présenter au nom de Jésus. Jésus a dit, Jésus a enseigné. Ils ne partiront pas avec, « Hey, j'arrive là, ben Mahomet a dit, ou Krishna a dit, ou le pape a dit. » C'est pas ça, parce qu'ils ne seront pas séduits par ça. Mais ils vont venir au nom de Jésus. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui l'attrape. Il se présente de Jésus. Il se présente de Jésus, du Messie, du roi. Et beaucoup vont se laisser séduire. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils ne vont pas séduire beaucoup de gens qui n'ont pas d'intérêt en Jésus. Le texte ici, c'est qu'ils ont d'intérêt parce qu'ils vont se présenter au nom de Jésus. En mon nom, en disant « c'est moi ». Jésus a dit, Jésus a enseigné. Il y en a qui vont se présenter comme étant Jésus incarné jusqu'à là. Mais en général, ils vont se présenter, je dirais, moi, comme on voit dans les évangiles, dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Qu'est-ce qu'ils font? Il y avait toujours, quasiment dans toutes les Épîtres, des faux docteurs, des faux prophètes qui viennent dire au nom de Jésus. Jésus a dit que. Et ils séduisent des gens. Il détourne des gens de la vérité. C'est pour ça que les apôtres ou les auteurs du Nouveau Testament ils vont dire, gardez la foi qui a été transmise une fois par toutes par les apôtres. Restez attachés à l'enseignement qu'on vous a donné. Ne vous laissez pas séduire par de faux enseignements disant que ça vient de Christ. Restez attachés à ce qu'on vous a enseigné. Je crois présentement, que dans l'Église soi-disant chrétienne, dans le monde aujourd'hui, il y a une grande séduction. Et on a séduit beaucoup de gens, leur disant « Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a enseigné. » Et ils n'enseignent pas ce que Jésus a dit. Ils n'enseignent pas ce que Jésus a dit. Oh, c'est mélangé, là. Oh, ils en mettent du Jésus dedans, là. Ils en mettent du Jésus dedans, là. Ils en mettent de la Bible dedans, là. Mais si tu regardes l'enseignement dans l'ensemble, ils n'enseignent pas le royaume de Dieu tel que Jésus l'a présenté. Toute cette gang, là, il y en a une grosse gang, là, qui présente que Jésus est là pour nous protéger, pour nous faire du bien, puis nous répondre à nos prières, puis nous donner ceci, puis nous donner cela, puis nous donner la santé, puis nous guérir, puis nous aider, puis nous donner la richesse, puis répondre à nos prières, puis nous faire gagner, puis nous faire donner. Puis nous... C'est faux. C'est faux. Ce que Jésus va dire ici, il va dire plutôt, c'est la douleur, c'est la haine, c'est le rejet, c'est la souffrance qui va vous attendre. Ce ne sera pas facile, ce qui s'en vient. J'en entends prêcher, semaine après semaine, des gens qui disent que quand tu vis avec Jésus, c'est plus facile. Il va répondre à tes prières, il va te donner ce que tu as besoin, il va te protéger. Il va te donner la paix, il va te garder, il va faire du bien à tes enfants. Ils en mettent. Mais ce n'est pas ça que Jésus va parler. Ce n'est pas ça qu'il a parlé dans Marc non plus. Relisez Marc, vous allez voir, il ne parle pas de ça dans Marc. Il leur a dit, il y a quelques chapitres, ils vont vous traiter comme ils m'ont traité. Jésus a fini sur une croix, sur le calvaire. Il ne faut pas penser que ça va aller pas mal plus facile pour nous autres, ses disciples. Et l'apôtre Paul va dire dans Corinthiens, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et il parle de sa vie, puis c'est une catastrophe, là. Humainement, avec une évaluation humaine. Et nous avons souffert la faim, la nudité, la misère, le fouet, la prison, ce qu'il parle. On voudrait bien être comme Paul, on voudrait bien avoir le succès de Paul, on voudrait bien être un grand comme Paul, mais quand il décrit sa vie, ça on n'en veut pas. Ça on n'en veut pas. Mais Jésus ici, il dit, faites attention de ne pas être séduit. Puis nous, on pense tout le temps qu'ils vont venir nous séduire avec le péché. Attention au matérialisme, fais attention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tentation ici. Mais il dit, faites attention. Le gars, là, sur Futur Shop, là, il ne me dit pas qu'il me parle au nom de Jésus. Il ne me dit pas ça. Il ne dit pas que Jésus a dit. Mais ici, dans le texte, ici, ils vont venir sous mon nom, disant, c'est moi. Donc, on parle ici d'enseignement. Des gens qui vont se présenter et dire, c'est Jésus qui dit ça. Ou vont se présenter même étant Jésus, comme Moïse a fait. Puis, ils présentent un autre évangile. Et l'apôtre Paul a mis en garde les Galatiens. Il dit, attention, même si un ange viendrait présenter un autre évangile, ne vous laissez pas séduire. Donc, on va venir, puis on va changer l'enseignement de Jésus. Soit poussé vers une extrême, puis qu'on est sauvé par Jésus et par les œuvres. Ou on est sauvé par les œuvres, sans Jésus. Ou, si tu acceptes Jésus, il va t'emmener une vie heureuse et paisible sur la terre. Il va te répondre à toutes tes prières, puis il va faire des ci, puis des ça pour toi. Lui de prêcher, repentez-vous. Devenez des serviteurs et des servantes de Dieu. Devenez des esclaves de Dieu. Préparez-vous à la difficulté, à la souffrance, au rejet, à la misère. Comme ils m'ont traité, ils vont vous traiter. Faites attention de ne pas être séduit. Ils vont en parler un peu plus bas dans le texte, encore de cette séduction-là. Parce que pour lui, c'est important. J'écoutais cette semaine quelqu'un qui parlait religieusement parlant et il voulait séduire les gens en leur disant que le vrai christianisme, c'est celui qui soulage la misère dans le monde. Le vrai christianisme, c'est celui qui s'occupe de son prochain et qui fait du bien. Et qui établit des hôpitaux, puis des Croix-Rouges, puis des ci, puis des ça, puis qui donne, puis qui s'occupe des pauvres, des veuves, des orphelins. Et qu'ils font. Le vrai christianisme va soulager la misère du monde. Moi, je vous dis, c'est une séduction. Une séduction. Et si vous regardez à travers l'histoire de l'Église, les fausses Églises ont toujours proclamé cela. On est 2000 ans après, et la misère est encore là. Il y a encore autant de pauvres, c'est pas plus qu'avant. Et ce que l'Église prêche, là, dans ce sens-là, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Pour que les choses changent dans ce monde, il va falloir que Jésus détruise ce monde. C'est pour ça qu'il dit, toutes ces choses-là vont disparaître. Toutes ces choses-là vont disparaître. Et je vais rétablir un nouveau ciel, une nouvelle terre avec mes élus. Là, ça va être différent. Mais pour ici-bas, ça va être... Vous allez être tentés. On va essayer de vous séduire. Et la meilleure façon de ne pas être séduit, c'est de bien connaître ce que Jésus a enseigné, ce qu'il a dit. De bien connaître le genre de royaume qu'il a établi. De bien connaître les prophéties qu'il a faites qui vont arriver dans le monde et dans l'Église. Et les accepter par la foi. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit « Combattez le diable, le grand séducteur, par la foi. » Par la foi. Notre bon Père du ciel. Séduction, séduction, séduction. Ô Seigneur, le seul moyen de ne pas être séduit, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est de connaître sa voix. c'est de connaître la vérité qu'il a enseignée. C'est de connaître le royaume qu'il a prêché. Donc, on va reconnaître ceux qui viennent avec des faussetés, avec des mirages, avec des séductions. Donc, ceux qui connaissent la vérité vont rejeter, repousser le mensonge. Seigneur notre Dieu, aide-nous d'être toujours sur nos gardes afin de ne pas être séduits. Amen.